إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous allons continuer inshallah les explications de Arba'in al-Nawawiyya. Et il y avait un dernier point qu'il fallait terminer de mentionner de Cheikh Salih al-Sheikh Hafidhahullah concernant. Alors, quelqu'un vient et puis vous dit certes, il faut avoir l'intention sincère pour Allah Azza wa Jal. D'accord ? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que nous étions en train de voir et que nous allons terminer, inshallah, avec ce point-là, l'explication. Innama al-a'mal bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leur intention. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes ne valent que par leur intention. Et chacun sera rétribué en fonction de l'intention qu'il avait. فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. Quiconque donc sa migration, sa hijra était faite pour Allah et son envoyé, eh bien sa migration lui sera comptabilisée comme étant faite pour Allah et son messager. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. Et quiconque donc sa migration était faite pour acquérir un bien de ce bas monde ou pour se marier avec une femme, eh bien, il sera rétribué pourquoi il aura fait cette migration-là. Donc, ce ne sera pas une migration pour Allah et son envoyé. Donc, on avait vu que la niyya fait partie de quelles œuvres ? Les œuvres du cœur, et non pas des membres. Parce qu'il est interdit de prononcer la niyya avec la langue, à voix basse ou à voix haute, d'accord ? Elle se fait dans le cœur. Et donc ça fait partie des œuvres du cœur. Et l'autre hadith qui fait partie maintenant des œuvres des membres, c'est qui concerne les œuvres des membres. Les œuvres du cœur, il est englobé par le hadith de Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, innama al-a'mal bin-niyyat, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rad. Quiconque fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre se verra rejeté. Les œuvres du cœur et les œuvres du corps, les deux hadiths là. Hadith numéro 1 et hadith numéro 5. C'est pour ça que nous allons pas passer directement au hadith numéro 2, mais nous allons lier les deux hadiths, et c'est notamment ce qu'avait fait Cheikh Ubayd hafidhahullah lorsque il avait fait les explications de l'Arba'in an-Nawawiyya. Donc le dernier point qu'on avait vu, qu'on devait voir, concernant l'explication de Cheikh Salih Cheikh sur le fait que maintenant, quelqu'un fait à sa niya qu'il a fait pour Allah Azza wa Jal. D'accord ? Mais vous savez que le fait de wahid yukfar fil istighfar, c'est un moyen d'avoir une subsistance qui est augmentée. D'accord ? Donc certains peuvent se dire, d'augmenter les sirfars. Donc certains peuvent se dire, oui, mais attends, donc tu le fais pour quoi ? Tu le fais pour un bien mondain ? Ou tu le fais pour Allah ? D'accord ? Donc et là, c'est une explication qui est très intéressante du Cheikh Salih Cheikh, lorsqu'il rapporte le hadith Rawal Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. Et là il y a un point en fait qui est très intéressant à souligner. pour ne pas mélanger les choses. Dans le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim dans leur Sahih, selon Anas bin Malik radiallahu anhu, il a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, quiconque souhaiterait que sa subsistance augmente, que ses biens augmentent, et que, et dans l'explication, il y a plusieurs explications de ce hadith-là, mais on ne va pas rentrer dans le détail, et que soit une bonne image est gardée de lui après sa mort, ou soit, selon différentes explications, yani, ou soit yani, qu'il ait eu une augmentation de force dans son corps, ou soit, d'accord ? Il y a différentes explications sur cela. Donc, celui qui veut une augmentation de subsistance, augmentation en bien, eh bien, qu'il conserve les liens de parenté. Conserve les liens de parenté. Donc là, en fait, le point ici, falias al-rahima, le fait de conserver les liens de parenté, donc l'individu se fait poser comme question, ben alors pourquoi tu conserves les liens de parenté? C'est pour que tu aies une augmentation de subsistance? Il risque de te dire ça. Hein? Donc là, ici, il y a deux points. Le premier point, c'est que l'individu conserve les liens de parenté sincèrement pour Allah Azza wa Jal. D'accord? Sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et il le fait que pour Allah Azza wa Jal. Et par cela, il recherche également que sa subsistance augmente en bien. Donc, le fait de le faire sincèrement pour Allah Azza wa Jal, et également rechercher que sa subsistance augmente en bien dans ce bas monde, cela est permis. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la législation d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui a permis cela, le fait que, certes, tu le fais pour Allah, mais en plus, si tu le fais pour Allah, sincèrement, ton bien va augmenter, ta subsistance va augmenter. Donc, ceci est permis. D'accord ? Donc, c'est comme, vous vous souvenez, le dernier point qu'on avait vu, la semaine dernière, quelqu'un, il fait des œuvres, des actes d'adoration, selon la législation d'Allah Azza wa Jal, il les fait sincères pour Allah. Il n'y recherche ni que les gens lui disent ou quoi que ce soit. Il refait que pour ça. Mais maintenant que les gens viennent le voir, ou yoshkuru, oh, mashallah, tu vois, eh bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que ceci est, yani devance, déjà ceci est une bonne annonce à l'avance, si on peut, yani, hein. C'est une bonne annonce à l'avance. C'est une bonne annonce qu'il reçoit, yani, avant le jour du jugement, avant Yarni, d'accord ? C'est déjà une bonne annonce qu'il reçoit, le fait qu'il fait des œuvres sincères pour Allah et les gens, Yarni, yushkuru sur cela, tu vois. Mais lui, il ne recherche pas, Yarni, il ne fait pas une niya. Sa niya, c'est-à-dire qu'il va faire cet acte-là en recherchant que les gens disent de lui. Yarni, lui, il veut le faire pour les gens, pour que les gens. Ça tombe dans du riyah. Celui qui recherche à faire une œuvre, un acte d'adoration, en espérant que les gens viennent le voir, ça, c'est du riyah. Tu le fais pour autre qu'Allah. Mais toi, tu le fais sincèrement, l'acte d'adoration pour Allah Azza wa Jal, et les gens viennent, tu ne les as pas appelés, tu ne leur as pas dit « remercie-moi ». Eh bien, ça, c'est une bonne annonce. Donc, le point ici à souligner, c'est que lorsque ton intention, elle est sincère pour Allah Azza wa Jal, et puis en plus, que tu sais qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, parce que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné concernant cela, ça fait partie de la législation d'Allah. « وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيُّهَا » Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce qu'il dit est une révélation inspirée. C'est Allah Azza wa Jal qui lui révèle. Donc, le fait qu'il recherche que sa subsistance augmente en faisant sincèrement pour Allah Azza wa Jal de garder les liens de parenté, cela est permis. Cela est permis. D'accord ? Le deuxième point ici à souligner, c'est quoi ? Donc, premièrement, c'est la permission de cela. Lorsque le fait que tu un autre exemple, lorsque tu augmentes, t'akthar l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. D'accord ? En le faisant sincèrement pour Allah Azza wa Jal, mais également en espérant qu'Allah Azza wa Jal augmente ta subsistance. D'accord ? Ton rizq, ça c'est aussi permis parce que Allah Azza wa Jal l'a légiféré. Par contre, si tu dis Astaghfirullah, tu augmentes justement le starfir, mais que tu ne penses pas à la récompense. Allah il t'augmente la subsistance ou pas ? Barakallahu fik, ça c'est justement le deuxième point que j'allais souligner. Donc là, c'est le premier point. C'est-à-dire que lorsque tu fais cela, d'accord, sincère pour Allah et en recherchant aussi une augmentation de subsistance, parce que c'est légiféré, Allah Azza wa Jalla l'a permis. Tu regardes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tu veux que ta subsistance augmente, alors conserve tes liens de parenté. Donc toi, tu fais sincèrement pour Allah, tu conserves les liens de parenté, et tu recherches également que ta subsistance augmente, ça c'est permis. Le deuxième point, c'est que maintenant, là, les ulama, ils ont dit quoi? Ils ont dit que le degré de récompense pour son intention qui est sincère diffère dans son degré d'intention. D'accord? Donc ça c'est permis, hein. Mais le degré de récompense diffère. Celui que par exemple, il ne fait que sincèrement pour Allah, sans penser, à la subsistance, quoi que ce soit, sincèrement pour Allah, il diffère de celui qui le fait sincèrement pour Allah et en recherchant la récompense. Bien que les deux cas sont permis. D'accord? Les deux cas sont permis. Tant que ça reste sincère pour Allah, Azza wa Jal. D'accord? Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils vont différer en termes de. Barakallahu fik. C'est comme l'intention en termes de ajr. De renouveler, comme tu as dit, que si c'est vrai, parce que tu avais dit un jour, celui qui va manger par habitude et celui qui va manger en pensant à la sourate manger et buver, ça diffère aussi. Est-ce que c'est dans ce là, c'est là, c'est un peu différent parce que c'est là dans les cas, ça diffère parce que celui qui mange. Avec sa niya dans sa tête, c'est d'appliquer le verset d'Allah Azza wa Jal, wa kulu wa shrabu. D'accord? Donc lui, sa ada, elle devient une ibada. D'accord? Ah oui, c'est l'acte d'adoration. Comme on avait dit avec le frère, tu sais, qui allait faire des footings pour augmenter son souffle pour la lecture du Coran. Naam. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait en fait un acte d'habitude, il transforme en acte d'adoration. En acte d'adoration, dans quel sens? Ou est-ce qu'il le lie à l'acte d'adoration? C'est-à-dire qu'il sait qu'en faisant cela, tu te couches tôt, non pas parce que, c'est l'heure, 9h, je vais dormir. Toi, tu te couches avec la niya d'espérer de te lever pour le qiyam et puis pour le fajr. Tu vois? Donc, tu as transformé une habitude en ibadah. Tu vois? Tu reçois une récompense. Tu dors, tu es récompensé, subhanallah, pour ta niya que tu as eue. Là, c'est pour ça que ça diffère un peu dans quel sens? Dans le sens où est-ce que là, le hadith que j'ai mentionné, là, qui est rapporté par Bukhari et Muslim dans leur sahih, celui qui veut que sa subsistance augmente, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui veut que sa subsistance augmente, ses biens augmentent, eh bien, qu'il conserve ses liens de parenté. Donc, les liens de parenté, c'est quelque chose de mondain, là, d'accord? Mais ce qu'il y a, c'est que lui, il le fait sincère pour Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de conserver les liens de parenté. D'accord? Donc tu le fais sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et en même temps, tu espères par cela que ta subsistance augmente. Donc ils ont dit que cela c'est permis. D'accord? C'est différent du cas que tu avais mentionné. Ou est-ce que là, l'individu qui va manger juste parce qu'il a envie de manger, il n'a pas dans la tête que, مثلاً, tu vois, c'est, il va se rappeler d'Allah Azza wa Jal, qu'il fait pour conserver son corps, ou pour être en forme pour la prière, ou pour. D'accord? Lui, il va juste manger parce qu'il a faim. D'accord? C'est différent. Là, il a l'intention sincère qu'il fait pour Allah, qu'il va conserver les liens de parenté, et il souhaite également que son lustre augmente. Donc ça, c'est permis. Le deuxième cas, c'est qu'ils vont différer en termes de récompense. Celui qu'il fait uniquement que pour Allah Azza wa Jal, uniquement que pour Allah Azza wa Jal, diffère en degré de récompense de celui qu'il fait pour Allah Azza wa Jal et espérer un bien de ce bas monde. Mais c'est toujours permis, d'accord? Ça ne veut pas dire. Mais quoi qu'il en soit, quand tu tiens les liens de parenté, Allah il t'augmente quand même la subsistance, que tu penses ou tu ne penses pas. Non, tu dois le faire sincèrement pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que quand tu le fais sincèrement pour Allah. Tu ne le fais pas. Parce qu'il y a des kofars qui gardent leurs liens de parenté. Est-ce que pour autant, ils sont récompensés? Non. D'accord? Parce qu'Allah Azza wa Jal accepte de qui? Accepte du musulman. Ça doit être sincère fait pour Allah Azza wa Jal et selon la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils vont le conserver pour que les gens disent d'eux, oh, il est bien avec ses parents. Fahmi? Toi, tu le conserves. Allah Azza wa Jal te l'a ordonné. Tu te soumets à Allah Azza wa Jal par cela. Tu le fais sincèrement pour Allah Azza wa Jal. D'accord? Et tu donnes le droit à tes parents. D'accord? Il y a un kafir, il n'a pas ça dans la tête. Qui va donner les droits à ses parents, se soumettant au Créateur. Yanni, tu vois. Yanni, c'est ça qui diffère. Donc, ça, ce sont les deux cas que je voulais terminer l'explication du premier hadith. Que c'est Innama al-a'mal bi-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué de par son intention. C'est pour ça que là on va passer au hadith numéro 5 de l'Arba'in Nawawiyya que vous avez. Avant de passer aux autres, ensuite on va reprendre un deuxième, troisième, quatrième, etc. Inch'Allah. Donc le hadith numéro 5, pour le lier, parce que ça ce sont les œuvres des membres. Les œuvres des membres. An Umm al-Mu'minin, Umm Abdillah, Aisha, radiallahu anha. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre se verra rejeté. Donc ce hadith là, le hadith numéro 5, on va voir les explications de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Qala an al-mu'minin, Abdillah, Aisha radiallahu anha. Hiya Abdillah. Donc là c'est Aisha radiallahu anha. Et sa kunya c'est Abdillah. Al-mu'minin, Aisha bint Abi Bakr al-Siddiq. C'est la mère des croyants, Aisha, radiallahu anha, qui est la fille de Abu Bakr Siddiq. Wa hiya laysa laha awlad. Et elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Donc quelqu'un il pourrait dire oui, mais comment ça se fait que. C'est Umm Abdillah. Barakallahu fikum. Walakinaha kuniyat bi Abdillah. Mais sa kunya a été littéralement la mère de Abdallah. D'accord ? لأنها خالة لعبد الله بن الزبير parce que c'est la tante de Abdallah ibn Zubayr. D'accord? فكنيت به. Donc elle a reçu cette kunya là. لأن الخالة بمنزلة الأم parce que la tante est au même niveau que la mère. D'accord? وهي الصديقة بنت الصديق أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. Et elle, c'est la véridique, la fille du véridique, Abu Bakr Siddiq, et qui est la plus aimée des femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. D'accord? Qalat, elle a dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Quiconque invente dans notre ordre, ce qui n'en fait pas partie se verra rejeté. Se verra rejeté. Qawluhu man ahdatha fi amrina. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque invente dans notre ordre. Ay fi shar'ina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans notre législation. Celui qui invente dans quoi? Qui invente dans notre législation. Wa ahdatha, ça veut dire qui invente, yani. أوجد عبادة لم يكن لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحدث, ça veut dire inventer, ça veut dire que il a trouvé une adoration, un acte d'adoration qui ne se base sur aucune preuve ni du livre d'Allah ni de la sunna de son envoyé Muhammad صلى الله عليه وسلم. لأن العبادات توقيفية parce que les actes d'adoration sont limités, restreints. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire un acte d'adoration excepté si tu as une preuve. Si tu fais telle ou telle chose dans la salette, il est légitime de demander pourquoi tu fais telle ou telle chose dans la salette. D'accord? Et donc, celui qui fait telle ou telle chose, s'il l'a fait, c'est que normalement, s'il connaît la règle, c'est que il s'est basé sur une preuve. Ouais. Parce que tu n'as pas le droit d'adorer Allah Azza wa Jal comme tu veux. Mais tu adores Allah Azza wa Jal comme Allah l'a légiféré. Hein? Donc, il dit le Cheikh, Hafidhahullah, لِيَنَّ الْعِبَادَةِ تَوْقِيفِيَّ لَا يُعْمَلُ إِلَّا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلِ مِنْهَا. Il n'est pas permis d'agir, de faire un acte d'adoration, excepté qu'il y a une preuve prouvant cet acte d'adoration. Tu connais le délil, tu connais la preuve pour faire tel ou tel acte d'adoration. Alors tu peux adorer Allah Azzawajal sur cela. Alors tu adores Allah Azzawajal sur cela parce que tu as la preuve. Mais tu ne peux pas commencer à faire quelque chose et après essayer de voir s'il y a un délil. C'est pas comme ça. D'accord ? C'est soit tu connais la preuve, donc tu agis sur cette preuve. Si tu ne sais pas, tu fais pas. Mais tu demandes aux gens de science. أما ما لم يدل عليه دليل فإن الله لم يشرعه. Mais celui qui n'est basé sur aucune preuve, tu fais un acte d'adoration pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, mais il n'y a pas de preuve sur cela. Eh bien, ceci est que Allah Azza wa Jalla ne l'a pas légiféré. Parce que tu fais quelque chose qui n'a pas de preuve. Tu adores Allah Azza wa Jalla d'une façon. Barakallahu fikoum, comme l'adoration, ce n'est pas juste que tu fais la prière. Hein. C'est tout ce que tu fais pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. D'accord ? Yani, si tu fais quelque chose en pensant que tu vas être récompensé en faisant telle chose, tu vas être basé sur une preuve. Tu peux pas, tu fais un ijtihad wahdak et puis tu dis mais Inch'Allah, c'est bien, moi je vois pas le problème. Certains aussi, ils disent qu'est-ce qui m'interdit de le faire ? Ils font, ils disent qu'est-ce qui m'interdit de le faire en fait ? Bah, le fait qu'il n'y a rien comme preuve. Ouais, par exemple, c'est ça qui. C'est vrai que moi, tu vois souvent, par exemple, les Mus'haf, les gens, ils prennent le Coran, ils l'embrassent, ils posent sur leur. Mm. Ça, tu vois, c'est pour moi. Les gens, ouais, après, c'est ça, parce que sur lequel ils disent c'est le Coran, si, ouais, par respect, donc je peux l'embrasser, je peux poser mon front. En fait, tant qu'il n'y a rien qui leur interdit de le faire, ils le font. Mais non, mais en fait, qu'est-ce qui leur interdit de le faire ? Qu'est-ce qui leur. Il leur interdit de faire cet acte d'adoration qui n'est pas. Bah, qu'est-ce qui leur interdit de le faire ? C'est le fait qu'il n'y a aucune preuve. Non, non, mais je sais. Qu'est-ce qui leur interdit le... Quelqu'un, il te dit, toi, tu lui dis, Eri, pourquoi tu fais ça ? C'est de voir les autres le faire. Voilà, il va te dire, bah, un tel l'a fait. Oui, mais un tel, il l'a fait pourquoi ? Yanni, tu t'es renseigné pourquoi ? Pourquoi tu fais cela ? Yanni, s'il te dit, mais qu'est-ce qui m'interdit de le faire ? Je vois pas où est le mal. Tu lui dis, ce qui t'interdit de le faire, c'est le fait de que tu ne connaisses pas la preuve, d'une part. Donc, parce que tu dois se connaître la preuve pour adorer Allah. Tu n'as pas le droit de faire telle chose si tu ne connais pas la preuve. Tu vois ? Mais tu dois t'assurer que tu connais la preuve pour le faire. Donc si tu dis qu'est-ce qui m'interdit, eh bien tu lui dis ce qui t'interdit, c'est le fait qu'il n'y a aucune preuve sur cela. Ouais, c'est pas à toi d'aller rechercher une preuve qui n'existe pas. Tu comprends ? Yani, c'est à lui de t'apporter la preuve qui lui prouve qu'il peut faire telle ou telle chose. C'est comme par exemple, nous, si par exemple on fait un acte d'adoration que quelqu'un vient nous voir et nous dit la même chose. Toi, tu lui dis, eh bien voilà, Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit. Tu vois ? Tu rapportes la preuve directement. Là, toi, tu dis, eh bien regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Voilà ce qui a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, il est authentique. Alhamdoulilah. Maintenant, hada qui va te dire, mais il y a un irtilef, je ne sais pas quoi. Eh, barakallahu fikum. Nous, on ne suit pas l'irtilef, on suit l'ijma'a. D'accord ? On ne suit pas les divergences, on suit quoi ? On suit le consensus. On ne doit pas rechercher les divergences, on doit rechercher le consensus. Voilà, que l'offre. D'accord ? J'ai une question là-dessus sur justement le fait de dire, parce que la définition de l'acte d'adoration, par exemple, on prend l'exemple du Coran, quelqu'un, tu lui dis, mon frère, voilà, il ne faut pas embrasser le Coran, la matière, ce genre de choses, il n'y a jamais de hadith qui a prouvé ça. Les gens, ils te disent, ouais, mais ce n'est pas un acte d'adoration. Parce qu'ils considèrent que les actes d'adoration, c'est uniquement la prière, le jeûne, le hajj et. Non, faut lui poser la question, pourquoi tu fais ça ? Ouais, parce que la personne, elle se dit. Elle peut te dire, par exemple, c'est parce que c'est par respect au Coran. Non, c'est par respect au Coran, mais c'est un acte d'adoration. S'il veut respecter le Coran, il l'applique, subhanallah. C'est par le baiser qu'il fait, quelque part, tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Donc, si lui, il considère cela, donc il lui dit pourquoi ? Tu penses que tu vas respecter Allah Azza wa Jalla en embrassant le mashaf ? La question, c'est que penses-tu que tu respectes le Allah Azza wa Jalla lorsque tu embrasses le mashaf ? Ou lorsque tu obéis à sa législation. Donc, après, s'il veut l'embrasser... Non. Se rapprocher d'Allah, c'est un acte d'adoration. Ouais. Ouais. C'est pour ça. Même s'il dit, je vais me rapprocher d'Allah, bah, tu es en train de l'adorer. Oui, non. C'est ça. Donc, à partir du moment où lui, il dit, mais je pense que c'est bien, je pense que... C'est pas une question que je pense que c'est bien, barakallahu fik. Et en plus, même la parole de je pense que c'est bien, c'est un danger énorme d'accusation que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas transmis tout le bien. Je pense, ouais, c'est pas, je suis sûr. Parce que... Tu veux dire quoi ? Tu veux dire, je pense que c'est bien. Il y aurait un bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait oublié de dire. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, avait bien, clairement mentionné qu'il n'y a pas un prophète avant lui, excepté... Non, mais j'étais en train de penser un truc avec un frère. Je lui ai dit, j'écoute, voilà, nous on se base sur le Coran et la Sunna. Les hadiths, mashallah, quand ils sont cités par Al-Bukhari ou Muslim, c'est ça, mashallah, tout ça. Il m'a dit, ouais, mais pas tout. Il m'a dit, on sait que tous les hadiths n'ont pas été rapportés. J'ai dit, non, mais justement, nous on suit ce qui a été rapporté, ceux qui ont été rapportés. Ceux qui ont été rapportés, là, Alem, tu vois, on les connaît pas déjà. On les connaît pas. Il me dit, parce que, en fait, c'est pour me justifier des actes qu'ils faisaient, papa. Oui, mais non. Il me dit, les hadiths oraux. Les hadiths oraux. Oui, bah, les hadiths oraux, mais il y en a, ils croient en fait que les hadiths n'ont pas été écrits du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a même, ils écrivent pour les journaux. Il y avait le journal Le Monde là, qui avait fait un auteur algérien qui avait écrit les hadiths, 90% des khutab, des sermons du vendredi sont basés sur ce qu'ils mettent dans la bouche du prophète. Il parle comme ça, oudou billah. Yani, déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait permis à un sahabi d'écrire les hadiths, parce qu'il écrivait tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Et les gens de la tribu de Quraysh sont venus le voir, mais tu écris tout ce que. Ils sont venus le voir, ce sahabi-là qui écrivait tout. Et il disait, tu écris tout ce qu'il dit, mais c'est un humain comme nous, il peut se tromper et tout cela. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a rapporté ce que les gens lui ont dit. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, écris par celui qui détient mon âme entre ses mains. Tout ce qui sort de là, subhanallah, c'est une révélation d'Allah Azza wa Jal. C'est préservé par Allah. Et Allah Azza wa Jal a dit, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui le préservons, le rappel. Et les révélations, il y en a deux, c'est le Coran et la Sunna. Donc l'individu qui vient avec cet argument qui tient sur une toile d'araignée, en disant que il y a certains hadiths qui n'ont pas été rapportés, qui leur permettraient de faire des choses que personne ne connaît, mais que ça pourrait justifier le fait qu'ils font leurs innovations et tout cela. D'accord ? Pour dire, soi-disant, tu n'as pas le droit de m'interdire de faire quelque chose. Il y a peut-être un hadith, il y a peut-être un hadith qui n'a pas été rapporté et qui... Subhanallah ! Ils vont dire qu'il nous interdit de faire le mouvide. Ben justement, on va en parler sur cela. Et, barakallahu fik l'ahsan, Allah Azza wa Jalla a préservé sa religion. Donc celui qui veut dire qu'il y aurait des hadiths qui n'auraient pas été rapportés et qui auraient été laissés aux oubliettes et tout cela, il veut dire quoi? Il veut dire qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas préservé sa religion. Il remet en doute. Ceci, c'est comme si tu mettais un bon doigt et essayais d'atteindre une cible. Quoi. Oui, c'est ça. Les adorations, non, et peut-être qu'il y a un hadith qui existe. Moi, ce que je comprends pas, barakallahu fikum, chouf, regardez. Il y a tellement de sunan. Peut-être que on va mourir, on n'aura même pas appliqué 2% de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens veulent commencer à inventer dans la religion d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Et Ali subhanallah, déjà commence à faire les sunna, et ensuite on verra. Tu vois, subhanallah. Mais yani, ils ont délaissé la sunna, et ils mettent de leur temps, de leur argent, de leur effort, dans tout ce qui n'est pas légiféré. Et après, ils disent, mais on sent que c'est bien. Mais bien sûr que tu sens que c'est bien. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est le shaitan qui te fait sentir que c'est bien. La femme de Abdallah ibn Mas'ud, l'une des femmes de Abdallah ibn Mas'ud, elle allait voir un juif. Elle disait qu'elle avait une douleur au niveau de l'œil. Et à chaque fois qu'elle allait le voir, il lui récitait quelque chose. Et ça fait qu'elle n'avait plus de douleur. Il a appris ça à Abdallah ibn Mas'ud, et il s'est énervé. Et il l'a réprimandé. Et elle s'est mise à pleurer et à regretter ce qu'elle avait fait. Et elle s'était repentie. Parce qu'il lui avait dit, tu vois là, ce que tu as dans ton œil, c'est un shaitan qui est dans ton œil, qui te fait sentir cette douleur-là pour que tu vas aller voir ce juif-là et qu'il te récite ces choses-là. Et la douleur s'arrête une fois que tu es parti aller le voir. Hein? Subhanallah. Donc tous ces gens-là qui disent, on se sent bien, on se sent dans une transe, on se sent dans je sais pas quoi. Oh, mais tu sais pas, faut goûter. Il y a croire que c'est un vendeur de shit, tu vois ce que je veux dire? Faut goûter. Goûte, tu vas voir. C'est la ilaha illallah. On doit craindre Allah, Azza wa Jal. Ces gens, ils parlent comme ça, tu te dis, subhanallah. en étudiant ce hadith, non. Les deux hadiths qu'ils ont été rapportés. Non. Inch'Allah, Ibn Allah, à la fin, peut-être que vous saurez répondre.